culture. Le réel physique n'est rien d'autre que la superposition des possibles imaginaires, a écrit Michel Cassé dans son livre « Du vide et de l'éternité » en 2014. L'art et la culture sont la mémoire de l'histoire et constituent le fondement des civilisations. Il y a 40 000 ans, la population de Cro-Magnon projetait son imaginaire en dessinant des animaux et des hommes sur des objets et des parois de cavernes. Aujourd'hui, les artistes projettent leur imaginaire sur d'autres parois, des écrans d'ordinateur, de iPad, de DVD, de CD, de télévision et de cinéma, les clés USB, les murs des galeries, les scènes du monde. Favorisant la création de fictions, de mythes, de symboles et de croyances, c'est l'imaginaire d'une collectivité qui rend possible l'art et la culture. C'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement et ainsi de créer un patrimoine fondé sur l'évolution d'un système de valeurs propres aux habitants d'un territoire physique et mental. Cependant, l'art a fait partie de la culture et non l'inverse. Yuval Noah Harari a écrit « Comment Homo sapiens a-t-il réussi à fonder des cités et des empires ? Le secret réside probablement dans l'apparition de la fiction. Le véritable pouvoir de l'Homo sapiens est de savoir et son savoir-faire. Le véritable pouvoir de l'Homo sapiens est son savoir et son savoir-faire. Si l'on veut comprendre l'histoire économique moderne, il n'y a en vérité qu'un seul mot à comprendre, et ce mot c'est « croissance ». Fin de la citation. Voici une petite anecdote. Dans les années 70, faisant partie d'un jury au Conseil des arts et des lettres de Québec, l'attribution des bourses avait comme premier critère la qualité d'une créativité innovatrice. Invité dans un autre jury dans les années 90, au critère de la qualité s'ajoutait celui de la rentabilité, de la quantité d'œuvres vendues de celui qui demandait une bourse. Bref, on accordait des bourses à des créateurs à condition que leur œuvre devienne un produit de consommation et que l'État récupère son investissement. Comme il fallait faire rimer poésie avec économie, la conception politique de la culture et de l'art au nom de la croissance devenait l'objet d'un grave détournement de valeur. Ce détournement faisait en sorte qu'on appelait artistes des gens qui imitaient ou copiaient littéralement des traits caractéristiques d'une culture autre que celle reflétant l'esprit de leur propre culture. Suite à cette expérience, j'ai considérablement développé mon sens critique en attaquant toute idéologie qui cautionne la médiocrité et l'ignorance. Le mot français « art » dérive du latin « ars », artiste, qui signifie habileté, métier, connaissance technique. Ars peut également signifier métier, talent, mais aussi procédé, ruse, manière de se conduire et enfin, création d'œuvres. Le premier objectif de l'art classique est la manifestation de la beauté. Après le milieu du XVIIIe siècle, la peinture, la musique, la danse, le dessin, l'architecture, la sculpture, la gravure et l'opéra font partie de ce que l'on a appelé les beaux-arts. Puis au XXe siècle, se sont ajoutés la danse, le cinéma, la bande dessinée, la photographie, la littérature, le théâtre, la télévision, le jeu vidéo, voire l'art numérique ou la mode. L'artiste n'est pas une personne d'une espèce différente, mais toute personne est une différente espèce d'artiste, souligne clairement et justement le philosophe Eric Gill. La créativité n'est pas le fief absolu des artistes, se manifeste dans toutes les sphères de la société. Bien que le terme artiste désigne une personne qui consacre sa vie à une forme d'art, toute personne humaine dans son quotidien a recours à son imagination créatrice pour trouver réponse à ses questions. La première vertu d'un artiste, c'est son unicité. Tout en étant différent de tout humain est semblable à tout humain. Semblable, mais jamais identique. Il est unique, dans la mesure où il crée une image à sa ressemblance. C'est en étant le plus et le mieux lui-même que l'artiste digne de ce nom finit par être le reflet de son environnement et que son œuvre contribue à la création de l'identité culturelle de sa collectivité. L'étymologie du mot culture, du mot latin cultura, dérive du verbe colere et qui est traduit dans les mots habiter, cultiver ou honorer. Fait historique à considérer. La culture est née lorsque les sapiens, quittant le mode de vie nomade caractérisé par la cueillette et la chasse, sont passés au mode de vie sédentaire en créant l'élevage, la plantation et la cité. La culture se définit comme l'ensemble des connaissances, des traditions, des savoir-faire, des coutumes et habitudes transmis par des systèmes de croyances, par le raisonnement ou l'expérimentation, qui la développe au sein du comportement humain en relation avec la nature et le monde environnant. Elle comprend ainsi tout ce qui est considéré comme acquisition de l'espèce. La culture est définie comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Enfin, pour une institution internationale comme l'UNESCO, le sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Si la culture générale d'un individu consiste dans la construction personnelle de ses connaissances, la culture d'un peuple constitue l'identité culturelle collective de ce peuple auquel l'individu appartient. Plus une citoyenne ou un citoyen apprend à comprendre son environnement, plus et mieux il devient possible de s'approprier son patrimoine en participant à son évolution. Or, évoluer, c'est changer. Changer, c'est créer. Créer, c'est se créer, sans fin. Toute personne en quête de l'autonomie, de sa pensée et de sa liberté d'action, s'engage dans un processus évolutif qui n'a d'autre finalité que la pleine et entière réalisation de soi. Elle ne crée pas seulement pour s'adapter à son milieu, elle crée pour adapter son milieu à ses besoins, pour mieux s'insérer dans le tissu social et mieux comprendre son environnement physique et culturel. Elle pose des questions. Outre les réponses qu'elle obtient sur les plans sociopolitiques et scientifiques, elle cherche des réponses plus profondes en lien avec l'essence de son existence et finit par constater que le progrès de l'humanité réside dans la vision des créateurs qui imaginent le monde.